Alléluia. Bonheur qui livre nos âmes. Et comment toi, Seigneur. Adonai, reçois notre adoration. Maître de l'univers visible et invisible. Nous l'avons préparé. Code de ta seule Dieu qui vit éternellement. Reçois ce pardon. Et puissions nous te comparer au roi de gloire. Levé vers toi, Seigneur, pour contempler ta gloire et ta magnificence. King, ton trône est Alléluia. Alléluia. Alléluia. Adoration qui t'est due en ces instants. Ton trône est ici. Reçois les faibles mots. Ton trône qui émane de nos cœurs, Seigneur. Répands dans nos cœurs, nous voulons ton trône béni. Nous voulons nous supplier dans tes bras, ô Dieu de gloire. Merci, Jésus. Et comme toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur.